Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale, l'après-match du Derby des Solitudes, Montréal-Toronto. Quelle victoire de l'Impact de Montréal sur le terrain synthétique du stade olympique. 1-0 contre les rivaux éternels de Toronto, le Toronto FC. Et évidemment, on va parler aujourd'hui de cette victoire de 1-0. On va voir les commentaires d'après-match de l'entraîneur Rémi Garde et aussi de Samuel Piette, de Saphir Taider et aussi du nouveau venu Rod Fanny, qui s'est très bien tiré d'affaire. On doit l'avouer, Rod Fanny, qui était d'une utilité très intéressante en deuxième demi pour l'Impact de Montréal, pour Rémi Garde, qui est un peu justifié dans sa décision. Il a parlé après le match qu'il avait besoin de Rod Fanny aujourd'hui. Il l'a approché au début de la semaine, dit « Rod, j'ai besoin de toi. Veux-tu m'aider? Es-tu là samedi? » Pas de problème, coach. Et on a vu aujourd'hui, justement, pas de problème, Rod. Aucun problème avec Rod Fanny. 36 ans, ce n'est qu'un chiffre. Un joueur qui a toujours pris soin de son corps, de lui-même, et qui n'a jamais vraiment eu de blessures graves durant sa carrière. Je touche du bois. Et comme ça, au moins, oh, un peu de renfort en défensive, mais l'Impact s'est très bien tiré d'affaire en défensive aujourd'hui. On va jouer une organisation, je pourrais dire, très intéressante, surprenante. Sur mon compte Instagram, si vous désirez me suivre, vous pouvez toujours le faire, même que sur mon compte Twitter, donc comme vous pouvez voir au bas de l'écran si vous êtes en direct. J'ai fait une petite image qui montre à quel point que l'Impact a été organisé durant ce match. Oui, il y a eu quelques instants de chaos, quelques instants que ça l'a plié, mais ça l'a pas fendu. Et on a vu l'Impact tenir bon, tenir coup. 3 points à la maison. L'Impact est parti pour 2018. Commençons en parlant un peu de quelques notes, mes notes de match que je pourrais dire. Donc, j'ai devant vous, vous pouvez voir, c'est vraiment les notes que j'ai prises durant le match. Et je vous parle... Evan Bush, première note que j'ai écrite dans ce match en regardant et en analysant. Evan Bush, solide dans ses déplacements, solide dans ses sorties, solide à chaque fois qu'il doit quitter sa ligne lors de sa prise de décision, en mouvement surtout, durant les quelques dernières années. On voyait une certaine hésitation durant quelques déplacements, pour ne pas dire souvent dans les déplacements d'Evan Bush, une certaine hésitation qui coûtait des fois la fraction seconde, il faisait qu'il arrivait des fois pas seulement premier au ballon. Penalty dans la boîte, on l'a vu quelques reprises l'année dernière et même cette année aussi, mais c'était pas de sa faute, il l'a pas rappelé. Et on voit une meilleure contrôle de son positionnement, de son corps en tant que tel aussi. Moins spectaculaire, oui, mais c'est bon lorsqu'on est un gardien d'être moins spectaculaire. Lorsqu'il y a moins d'arrêts spectaculaires, veut dire qu'il y a un positionnement qui est un petit peu mieux, meilleure qualité, mais surtout des déplacements et un positionnement qui anticipe le jeu de l'adversaire et le gardien est bien placé au bon endroit, au bon moment pour effectuer l'arrêt. Mais au moins que je pourrais décrire durant ça, c'est qu'on n'a pas vu énormément de parades d'Evan Bush. Oui, il n'a pas été testé plusieurs fois aujourd'hui, mais je pense que c'est valide pour tous les matchs cette saison jusqu'à présent. Evan Bush n'a pas à faire la grande parade de 26 pieds de long pour arrêter un tir à cause qu'il était mal placé. Non, on n'a pas vu ça. On voit des arrêts de routine. On voit Evan Bush placé où ce qu'il faut, mettre les mains devant soi, bloquer le ballon, le corps derrière le ballon, l'énergie poussant le ballon à l'extérieur du but. Et ça l'a montré une grande amélioration du côté d'Evan Bush. On avait remarqué une plus grande confiance lors de ses déplacements. Mais ce que j'ai remarqué aujourd'hui aussi, c'est une plus grande confiance avec le ballon au pied. C'est d'être capable de passer le ballon, d'être capable d'avoir le ballon, d'avoir un Josie Altidore qui s'en vient courant vers soi, de l'avoir au pied, puis se faire une passe à soi-même vers sa droite, retraiter vers la droite, écouler quelques secondes, prendre le ballon avec ses mains. Une confiance avec le ballon au pied qu'on n'est pas habitué de voir avec Evan Bush. Et habituellement, lors des dernières années, et oui, Evan Bush est un gardien qui est avec l'Impact depuis 2011, on a vu beaucoup d'hésitation lorsqu'il y avait une prise de décision pour savoir si Evan Bush allait avoir le ballon au pied, allait aller vers le ballon. Et des fois, cette hésitation causait un revirement, causait une perte de possession, causait un lancer inattendu vers le but qui se traduisait par un but de l'adversaire. Maintenant, Evan Bush n'a plus... Je ne veux pas dire qu'il avait peur du ballon, je pense que ça serait un petit peu être injuste envers Evan. Il y a une certaine confiance avec le ballon au pied, d'avoir un rôle peut-être plus défini et d'avoir une responsabilité accrue. Côté offensif aussi, vous me dites, Kevin, comment tu peux être offensif en étant gardien de but? Ben, être offensif en étant gardien de but, c'est commencer l'action. C'est débuter l'action qui va éventuellement mener à une chance, à une percée, à une course dans la boîte. Mais des fois, ces actions-là partent d'Evan Bush. Dans le passé, on voyait des fois des actions partir comme ça, mais c'était plus en exception qu'en règle. Maintenant, en regardant Evan Bush sous les conseils de Joel Batts, après 2 mois d'entraînement avec Joel Batts et 3 matchs maintenant avec celui-ci, on voit vraiment une confiance avec le ballon, pas peur de lever la tête, pas peur de faire des erreurs. On l'a vu, Evan Bush faire des erreurs une fois, premier match, mais il a glissé. C'était pas de sa faute si le terrain était extrêmement en mauvais état. Mais comme on parlait, Evan Bush, la confiance, je pense que ça va loin. Et premier blanchissage pour Evan Bush cette saison, et très mérité ce blanchissage. Continuons avec les notes de match, si vous voulez bien. 26 005 personnes étaient au Stade Olympique ce soir. Décevant, oui. Mais on va être honnête ici, si on regarde le nombre de... l'argent investi en publicité du côté de l'Impact de Montréal en 2018, 26 000 personnes pour ce match, c'est quand même bien. On est loin de Faisons l'histoire en 2015, qu'on avait rempli le Stade Olympique à quelques fois pour les matchs de championnat. On est loin de 2012, remplissait le stade aussi, mais c'était des situations particulières. Et je pense que c'est ce qu'on réalise avec les années. C'est que ces soirées où ce qu'on remplit le Stade Olympique de 58 000, 59 000, on avait beau parler de « Ah, oh, c'est super le fun, c'est le fun, le soccer est arrivé », ça n'a pas rapport. Je pense que le bassin de population, le bassin de fans qui sont prêts à aller voir chaque match de saison régulière, peu importe le stade, peu importe la condition, est aux alentours de 17-18 000. Donc, on ajoute les aléas de la vie et des fois, ça fait qu'on ne peut pas venir au stade. On rajoute ça que lorsqu'on a plus de temps pour vendre des billets de saison, on a plus de place, on a un petit peu moins cher, on peut amener quelques amis. On se retrouve avec un 26, un 27 et... c'est ce qu'on avait ce soir, 26 005 personnes au Stade Olympique. Donc, un petit peu le Stade Olympique dégarni, mais quand même, au Stade Olympique, au Stade Saputo, serait plus qu'une foule complète. Ce serait, on n'aurait pas pu avoir 26 000 au Stade Olympique, au Stade Saputo. Donc, c'est un positif, 26 000 quand même, 26 005 spectateurs. Et lorsqu'on pense que l'Impact a en deçà de 10 000 billets de saison de vendus, en moyenne durant les années d'existence en MLS, 26 000, quand même très bien. Donc, 26 000 personnes au stade aujourd'hui. Encore les notes de match. L'organisation défensive de l'Impact m'a vraiment impressionné. J'en ai parlé un petit peu plus tôt, si vous allez voir sur mon feed Instagram et sur Twitter et Facebook, évidemment. @KevLaramy. Vous allez voir une image qui montre les 5 défenseurs extrêmement bien placés, avec devant eux les 2 défenseurs, les 2 piètes et un Tider qui ont été très solides aussi, et un Piatti et un Vargas qui quand même étaient présents aussi dans la boîte défensive lorsque leur présence était nécessaire. On va venir à Piatti et à Vargas dans quelques minutes, donc j'ai bien aimé leur contribution offensive ce soir, même si ça s'est réglé seulement avec un but. J'ai bien aimé les chances de marquer, leur percée de la défensive torontoise, et on va parler je vais vous montrer les statistiques dans quelques instants, et je veux parler d'une statistique qui m'a impressionné. C'est lorsque l'Impact a rentré en deuxième demi sur le terrain. Mais continuons avec les notes de match. Louis Bélanger-Goyette a rentré pour Kolicki. Pourquoi pas? Kolicki a été très solide, même s'il a été blâmé pour le penalty la semaine dernière en fin de match. C'était aussi la faute de Raheem Edwards. Et si on remarque aujourd'hui, Raheem, ben, il n'était pas là au départ. Ben, c'est ça. Mais Kolicki, il était... c'était pas blâmé à 100% sur le match la semaine dernière. Et Kolicki, un jeu simple. Et je crois que c'est la directive qu'il y a de Rémi Garde, oui, mais c'est ce qui fait qu'il y a eu un poste avec l'équipe depuis le début de la saison pour Kolicki, Craig Kolicki, c'est sa solidité. Il kiss. Il keep it simple, stupid. Il la garde pas trop longtemps, le ballon. Il la passe. La patate est chaude, mais c'est correct. C'est ce qu'il faut. Il y a une introduction à la matière en ce qui concerne la possession de ballon, et Kolicki n'est pas rendu là, et ce n'est pas son mandat de toute façon. Donc, pour un Kolicki, d'être capable de ne pas nuire à son équipe, d'être solide défensivement. Un des joueurs qui a impressionné extrêmement le staff technique au début de saison durant les tests physiques, et c'est une des raisons pourquoi il est là encore aujourd'hui en obtenant 3 départs avec l'Impact de Montréal depuis le début de la saison. C'est sa forme physique, son niveau d'implication physique, capable de travailler dur. Le travail sale en milieu de terrain, le travail qui est un peu ingrat, le travail qui est là pour bloquer les lignes de passe, il est là pour être capable de distribuer le ballon défensivement, ne pas se compliquer la tâche, de donner quelques secondes de plus à un tight end et à un piètre pour se replacer lorsqu'il y a été une passe vers lui, de jouer pas un pivot naturel, évidemment, mais jouer un certain pivot qui permet aux joueurs qui sont plus offensifs que lui de se placer en conséquence lorsqu'il y a le ballon qui dure pas longtemps aussi et en transition, en mouvement, nuit pas à l'équipe. Kroliki, une surprise de début de saison, vous allez dire oui. Impressionnant, meilleur joueur que l'Impact a jamais eu. Non, c'est pas ça. Jeu solide, jeu défensif, quand même bien, nuit pas à l'équipe, contribue pas offensivement, c'est pas son rôle. Exécute son rôle à perfection, un coéquipier, un joueur sur lequel Rémi Garde s'est fié déjà depuis 3 matchs, et c'est quand même impressionnant pour un joueur qui a été repêché au dernier Super Draft en 3e round par l'Impact de Montréal. Un autre moment impressionnant pour moi durant ce match, c'est à la 58e minute environ, 59e minute, Nacho Piatti se fait faire une faute sur lui, tombe à terre, et en haut à gauche de la boîte. Souvent, dans le passé, on aurait vu un Nacho se relever, faire des simagrées envers l'arbitre, dire un peu sa façon de penser en espagnol, puis continuer son petit bout de chemin après. Mais c'est pas ça cette année. Et remarquez surtout ce soir. Peut-être le cas, faudrait que je regarde les deux premiers matchs de la saison avec un œil un peu différent pour voir si c'est le cas. Mais si on regarde Piatti sur ce jeu que je vous parle à la 59e minute, là, ben il se lève, puis il part à courir après le porteur de ballon. Il essaye de reprendre la possession. Pas de pleurnichage, pas de chiolage, pas de simagrée, juste du travail. Puis je pense que c'est une directive, ça aussi. C'est bien beau, on a vu aujourd'hui Rémi Garde s'énerver un petit peu dans sa boîte technique, et c'est correct, c'est à lui de faire ça. C'est pas au joueur de s'énerver. C'est pas au joueur à demander de faire le signe de la boîte, à demander de voir la reprise vidéo. Ils l'ont pas fait, mais on continue à jouer, puis Colin, il a pas soufflé, fait qu'on continue. Puis j'ai aimé cet aspect-là de l'Impact de Montréal présentement. Le pas de pleurnichage. On joue, on travaille entre les sifflets. Ça dure 95 minutes. Puis on essaie de durer le plus longtemps possible et de plier peut-être. Mais on essaie de ne pas fendre. Et on a vu l'Impact ne pas fendre ce soir. Ne pas de fendu à soir. Puis l'Impact, c'est certain que ça prend une victoire de la saison. On termine vite fait les petites notes de match et on va passer aux commentaires de Rémi Garde et des quelques joueurs. Donc, le jeu de transition de l'Impact, et surtout pour commencer la deuxième demi. Donc, je vous emmène, si vous êtes en direct avec moi, merci de m'écouter en direct, je vous emmène sur l'écran derrière moi pour voir un peu les statistiques du match. Donc, vous allez voir ici, à gauche, on va parler de la possession. Oui, l'Impact n'a seulement 37,25 de possession contre 62,80 pour Toronto. Mais regardez la ligne bleue un petit peu plus longue ici, là. Ça, c'est le début de la deuxième demi. Vous voyez, là? Ben, l'Impact avait quasiment la possession totale du ballon pendant au-dessus de 5 minutes pour commencer la deuxième demi. L'Impact commençait avec le ballon de deuxième demi. Donc, l'Impact a commencé avec le ballon, a été capable de percer et de mystifier la défensive et les joueurs de Toronto pendant environ un bon 3 minutes en exerçant des changements de position sur le terrain, en étant capable de, en anglais, on dirait un « overlap », d'être capable d'entrelacer certains joueurs de leur position avec le ballon, sans ballon, course, mouvement, hors ballon, qui a carrément confondu la défensive torontoise pour un bon 4-5 minutes. Et ça l'a créé du départ du début de la deuxième mi-temps. Là. Ballon passe, occasion de marquer. Et ça, c'est dû aux directives de Rémi Garde, encore une fois, lorsque l'Impact sort du vestiaire. Encore une fois, Rémi Garde, comme les deux premiers matchs, et comme les deux deuxièmes demi de le début de saison de l'Impact de Montréal, Rémi Garde a eu un effet et une influence positive sur le retour de ses joueurs sur le terrain, donc la possession. Oui, la possession n'a pas été excellente, 37,2 contre 62,8. Oui, le résultat du match, c'est 1-0. Mais vraiment, ça illustre un peu l'influence qu'un Rémi Garde peut avoir durant la mi-temps. Et ça, c'est de bonne augure pour une longue saison dans une ligue comme la MLS. On va regarder rapidement aussi les résultats du match ici. On voit Toronto, 6 corners. Ils ont eu 2 chances de marquer. Montréal a gagné les duels, beaucoup plus de duels. Ont gagné plus aussi de tacles. Les arrêts, beaucoup de... Si on parle de 19 dégagements pour Toronto, ce qui est beaucoup plus. Donc, Toronto a subi plus que la possession l'aurait indiqué. Et c'est ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que c'est bien beau la possession, bien beau l'impact. Alors, 37.2, c'est pas l'idéal, c'est pas vraiment... C'est pas super bon, peut-être. Mais, c'est pas que la possession qu'on gagne des matchs, c'est en marquant des buts. Puis, ça nous permet de gérer le reste du match. Et l'impact a géré le reste du match. Rémi Garde a géré le reste du match. Avant qu'on passe aux commentaires de Rémi Garde, on va parler du joueur du match ici, Jason Vargas, évidemment le marqueur du but de l'Impact de Montréal, qui a été créé par, évidemment, le bon vieux Nacho. Quand le piatti va, tout va, et ça va bien, comme dirait la bonne vieille Kathleen. On va regarder rapidement le 11 partant. On a vu un 11 un peu différent aujourd'hui, une formation pratiquée seulement cette semaine par Rémi Garde, un peu une surprise de l'entraîneur, donc je me tasse un peu pour que vous voyez l'écran en direct. En passant, si vous écoutez les versions podcast, je vous invite à s'abonner. youtube.com/sportspodcastingnetwork. C'est où ce qu'on diffuse Soccer Today du lundi au vendredi à 10h. Et c'est aussi où ce que je diffuse en direct tout ce que l'on fait. Je crois que la qualité vidéo, audio en direct est supérieure à Facebook. C'est ce qui explique pourquoi. Vous pouvez nous écouter sur YouTube maintenant. Alors, oui, Evan Bush, c'est pas surprenant. Lovitz, c'était pas surprenant. Ce qui était surprenant en défensive, c'était Fanny, Raitala et Cabrera en défense centrale et un Petrasso encore une fois, avec un rôle de plus un right wing back, ce qu'on dirait en anglais, donc un arrière, un ailier arrière droit, pour le terme francophone. Donc une certaine responsabilité offensive, mais aussi avec les mêmes responsabilités défensives qu'il avait avant. Donc un certain rôle accru. Encore une fois, Petrasso s'est sorti avec une bonne note. Parfaite, non? Mais ce dégagement de la ligne, ce dégagement sur la ligne à la 80e minute, c'est 1-0 Montréal, Evan Bush est battu, le ballon, non, le ballon roule dans... Michael Petrasso est là et il le dégage. Et comme il mentionnait après le match, je mentionnais, Michael, qu'est-ce qui te passe par la tête lorsque tu traques, t'es en retour défensif vers le filet, le ballon bondit tranquillement devant le filet désert? La première chose qui me passe à l'aider, c'est de ne pas la tirer dans le filet. C'est lorsqu'en doute, sort le ballon du jeu. En anglais, il dit « When in doubt, kick it out ». Donc, je pense que c'est un commentaire intéressant de Michael Petrasso, donc, qui a sauvé le match. Il a sauvé 2 points. Facile pour l'Impact de Montréal, qui, encore une fois, je le répète, a gagné 1-0, 3 points contre le Toronto FC à la maison. Et c'est un point, 3 points qui fait du bien. Et l'Impact de Montréal, un début de saison, tranquillement, encourageant. C'est de l'espoir. C'est dangereux, oui. Mais de l'espoir, c'est quand même toujours bien. Donc, on va aller écouter Rémi Garde, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, suivi de Rod Pépé Fanny. Oui, oui, Pépé, c'est le nom que Samuel Piette, il va mentionner un petit peu plus tard dans l'émission. Samuel a un petit penchant pour nommer ses coéquipiers avec un surnom. Et Rod s'appelle maintenant Pépé. Donc Rod, Pépé Fanny, suivi de Samuel Piette en français et Xavier Tadar, tout ça débutant avec l'entraîneur de l'Impact de Montréal, Rémi Garde. Bonjour coach, première victoire avec l'Impact pour vous. Est-ce que ça a une saveur spéciale qu'elle ait été acquise avec panache contre le rival de toujours, contre Toronto? Oui, une petite saveur spéciale parce qu'on savait que c'était un match particulier. Nous, on le découvre, tous ceux qui arrivons. Mais on est surtout contents d'avoir pris les 3 points de la victoire, d'avoir fait un assez bon match dans l'ensemble. Voilà, c'est la satisfaction, évidemment. Fanny avait de gros clients devant lui pour son premier match avec Montréal. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'influence qu'il a eu sur le match aujourd'hui? Je crois qu'il est allé crescendo dans le match, son influence. Il nous a fait du bien en deuxième mi-temps, surtout sur des situations où il fallait être présent physiquement, il fallait lire le jeu, les combinaisons de Jovinko, d'Altidore. Donc il a été très présent et je pense que sur ce match-là, il a déjà donné beaucoup de ce qu'on attendait par rapport à lui. Qu'est-ce que vous faites de la lecture de votre animation offensive avec en tête Nacho Piatti dans ce match-là? L'idée, c'était de libérer un petit peu Nacho des tâches défensives, parce que quand il est positionné sur le côté, comme il aime bien, un petit peu plus de devoir défensif, et là c'était de le libérer, d'autant plus que Matteo Mancosu était absent, donc je n'avais pas vraiment d'autres solutions, sachant que Anthony Jackson revient bien, il a bien travaillé, mais ça aurait été un peu trop juste aujourd'hui pour qu'il joue. Rémi, l'Impact a historiquement eu beaucoup d'ennuis dans les dernières saisons en fin de match, et on a vu en fin de match Toronto vraiment y aller très très fort, beaucoup d'occasions de manquer. Est-ce que vous avez craint un peu, comment vous avez vu ça cette fin de match-là? Il y a eu Petrasso qui sauve un but in extremis, il y a un tir de Bradley, il y a Giovinco qui a une chance à la toute fin. Oui, ben, je crois que Toronto est sans doute, au moment où je vous parle, un peu dans la même situation presque que nous avons été à Columbus, c'est-à-dire certainement frustrés parce qu'ils ont eu quelques situations chaudes, dont vous faites référence. On a tremblé un petit peu, on a essayé de s'ajuster. J'ai fait des changements pour essayer de défendre sur toute la largeur, même si on était déjà dans les couloirs avec Daniel et avec Mika Petrasso, mais en faisant rentrer Marco Donadel, ça donnait aussi encore de la largeur au milieu du terrain. Voilà, on a essayé d'apporter les réponses. Les joueurs avaient beaucoup donné. J'ai trouvé qu'ils étaient peut-être un petit peu moins frais physiquement en deuxième mi-temps que sur les deux premiers matchs. Mais encore une fois, émotionnellement, premier match à domicile contre Toronto, voilà, je pense que petit à petit, on va se libérer. Et en tout cas, cette victoire vient consolider tout le travail que les joueurs ont fait depuis le début de saison. Et pour eux, rien que pour ça, je suis très très content. Pierre, tu as connu tout un match en récupération de ballon, c'est lui qui a un peu créé la relance sur le but. Qu'avez-vous pensé de ce match? Oui, ça m'est très important pour l'équipe. Il a eu beaucoup de récupérations. Je pense qu'il a un potentiel pour mieux faire encore, voilà, être encore plus influent. Mais aujourd'hui, il a fait un très bon match, il a été solide. Ça a été la pierre angulaire du milieu de terrain au niveau défensif. Et voilà, il a grandement participé. Coach, what did you think of the start today? We know the last couple of weeks it was a bit difficult at the beginning for your team. What did you think of the first 45 today? The first 45 minutes today, I think that they didn't really be very dangerous. We didn't concede too much opportunities. We kept the ball, then we had to drop deeper than we thought. But we coped very well. We were well organized. We were patient, and we created one or two situations in their back because we knew that when they defended high, they are not especially comfortable when you put the ball behind their back line. Then we tried to do that in the first half. It seemed like a couple of the yellow cards were a little bit soft today. How was your first introduction to Montreal TFC rivalry from that perspective with the calls and the officiating? You know, when you leave the game live, I mean, there is passion around the field, especially on my bench, I know that. But, you know, it was a derby. And I don't want to speak too much about the refereeing today. Ça veut tout dire. That's it. I won't ask you about the officiating again, but you're going to probably have a lot more gray hair at the end of this season. But did you think that it would be at all easier, considering that Toronto had the game Tuesday night, travel? It was such a short turnaround for them. Yes, I know that this situation is difficult to cope with for big teams. The tiring regarding the travel is difficult. The turf today was difficult for them, for us of course, but for them as well. Then if you put that together, it's probably it was difficult for them, but you know, if they want to exchange their place in their situation in CONCACAF League, we can play. I accept it. It's problem for big teams. Then you know, they have a deep squad, and they had a good game today as well, but I'm only Montreal coach. La disposition de l'équipe un peu différente sur le terrain aujourd'hui en début de match, est-ce que c'était en fonction des joueurs que vous aviez à votre disposition, notamment l'absence de Marcos, ou en fonction de quelque chose que vous avez vu chez l'adversaire qui vous permettait de croire que ça allait même poser plus de problèmes ici? Un peu des deux, on avait travaillé ça dans la semaine avant que Matteo se blesse, soit indisponible pour ce match. Je n'avais pas la certitude qu'il puisse jouer ou ne pas jouer. Donc, effectivement, en son absence, et comme Anthony revient lui aussi d'une blessure, ça aurait été prématuré qu'il joue 90 minutes, en tout cas qu'il démarre le match. Donc, Nacho, quand il joue dans l'axe, je pensais que c'était mieux qu'il ait quelqu'un autour de lui. Ils ont très bien combiné avec Jason, qui lui aussi est très à l'aise dans l'axe. Donc, partant de là, j'ai essayé d'organiser l'équipe avec... en laissant le plus de joueurs possible dans des positions où ils se sentent à l'aise. So coach, on Ron Patty again, given the fact that he didn't play a lot and his age, obviously, were you surprised by what he gave you today in this game? Not really, I'm pleased, but not really surprised because, you know, I asked a lot of questions to a lot of people in France because I knew Rod, of course, but not personally. But you know, when you see a player still playing at 36, not having so much big injury in his career, you can guess that he's a very good professional. He loves this game. He's very passionate. And I checked all this with a lot of phone calls, and then I knew that he need more time again, but I needed him today, and when I asked him, he said, of course, I'm ready to do that. Then I'm not surprised, I'm very pleased for him. Rod, Fanny. Plutôt positif, on est très très heureux. Je suis vraiment très heureux de faire partie de cette équipe parce que j'ai vu beaucoup de solidarité ce soir. J'ai vu vraiment une équipe, ça fait très peu de temps qu'on joue ensemble et ça nécessite aussi beaucoup beaucoup d'efforts parce que pas tout est encore très au maximum. Et c'est pour ça que je suis vraiment très content et je félicite vraiment l'équipe parce que c'est une victoire d'équipe aujourd'hui, vraiment. Il me semble que le dispositif à trois défenseurs centraux cadrait vraiment bien avec le plan de match établi, justement en plus pour un joueur comme toi qui effectuait un retour d'une certaine façon, ça fonctionnait bien. Oui, on a travaillé à l'entraînement, c'est vrai que ça a bien fonctionné, je pense que c'est pour ça qu'on l'a mis en place ce soir. L'entraîneur a vraiment bien étudié justement l'adversaire et je pense que c'était le schéma qui les a contrariés le plus. Ça les a empêchés justement au milieu de pouvoir se tourner et percuter beaucoup. Après c'est que vers la fin du match on a un petit peu subi, c'est un peu dommage, mais voilà, on a donné beaucoup d'énergie aussi, c'est pour ça que ça a été un peu plus difficile à la fin, mais voilà, la solidarité a pris le dessus. Dans un monde idéal, est-ce que tu avais besoin de quelques semaines supplémentaires pour te préparer ou tu te sentais à 100%? Oui, c'est sûr. Je suis pas pour moi, je parle personnellement, je me connais, je suis pas encore à 100%. Mais bon, c'est normal, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un match plein. Donc, mais bon, ça s'est quand même bien passé pour une première. Je suis vraiment confiant pour la suite et ça me donne encore plus envie de bosser pour être au mieux au plus vite. Il y a eu de bons duels en contre Jovenko, contre Edouard aussi. À quel point il y a eu la recherche qui a été faite cette semaine pour se préparer? Oui, c'est sûr. Mais comme j'ai dit, le staff et l'équipe. Le coach, tout ça, ils ont bien étudié justement l'adversaire. Ça m'a beaucoup aidé moi aussi pour justement mieux lire un peu leurs déplacements et leur façon de jouer. Et voilà, donc je suis content parce que vraiment ça a porté ses fruits et surtout pour les supporters qui sont très très heureux et là la région. Donc je remercie vraiment tout le monde parce que pour une première, c'est bien pour moi. Comment était la communication avec un Argentin d'un côté, un Finlandais de l'autre? Ouais, c'est l'équipe de Benetton. Non, ben c'est super. Moi j'ai cette facilité-là. J'ai déjà connu un petit peu ça. J'ai déjà joué avec des Latins auparavant. Donc j'ai un petit peu d'espagnol. Eux ont de l'anglais. J'ai de l'anglais aussi. Donc on arrive à bricoler avec aussi le Finlandais qui parle très bien anglais. Donc on s'en sort. Ah, pas de Finnois? Pardon? Pas de Finnois? Pas encore. Merci. Merci. Avec le démon au corps, c'était le Samuel Piette. La volonté de gagner un premier match cette saison ou TFC ou toutes ces réponses? Toutes ces réponses. Premier match à la maison. On savait qu'on devait prouver à nos fans qu'on était ici pour gagner contre Toronto. Personnellement, je sais que j'avais pas très bien fait les deux premiers matchs, en fait, à la hauteur que je joue normalement. Donc, je savais que j'avais des choses à prouver. Puis non, l'équipe a très bien répondu là, aujourd'hui. Là. Qu'est-ce qui te chicote le plus dans la façon que tu avais joué les deux matchs à l'étranger? Non, je pense que c'était pas un manque de confiance, mais comme je l'ai dit auparavant, on apprend encore à se connaître. Donc, beaucoup de nouveaux joueurs, encore une nouvelle philosophie. J'étais pas encore assez à l'aise, mais là, je pense que j'ai trouvé mon heure d'aller, puis en espérant que ça continue comme ça. Là. Qu'est-ce que tu as pensé de faire comme tour en défense centrale? Ah, Papifani, ouais, très bien fait. Très bien fait, non, très solide. C'est une présence importante pour nous en charnière centrale, très imposant. Donc, il a gagné beaucoup de duels contre Altidore, ça nous a fait du bien. Puis avec la balle très serein, là, des bonnes relances. Papifani a très bien fait aujourd'hui, très content. Ça vient de toi, ce surnom-là? Ou... Ouais, ça vient de moi, ça vient de moi. Moi, j'ai pas mal de petits surnoms à chaque, là, fait que... Ah, c'est sûr qu'on a eu un peu peur. T'sais. Physiquement, on était moins bien. Bon, c'est différent de jouer, je pense, au stade qu'à l'extérieur. On a senti un peu l'air un peu plus pesante. Les jambes étaient un peu plus lourdes aussi. Mais non, c'est sûr. Moi, j'ai eu peur personnellement là, sur le coup franc de Jemico à la fin. J'étais content qu'il la mette au-dessus du filet. Mais non, physiquement, on est bien. On a souffert, mais on savait qu'on s'attendait à ça, en fait. Là. Est-ce que ça prend ça pour comme, essayer de faire oublier ces nombreux points échappés depuis l'an dernier? Oui, ben on a travaillé fort physiquement justement pour empêcher que ça arrive encore. On l'a vu dans les deux premiers matchs, nos meilleurs demi, nos meilleurs moments étaient à la fin des matchs. Aujourd'hui, ça a peut-être été un peu le contraire, mais on était solidaires, on était très solides derrière, puis on n'a pas concédé de but à la fin, là, fait que, ça fait du bien. Le coach a mentionné en point de presse qu'il était très content pour vous, pour les joueurs, pour tout le travail que vous avez fait depuis la pré-saison d'avoir enfin 3 points. Vous, de votre côté, est-ce que vous êtes content d'avoir offert ces 3 points-là, surtout dans le cadre d'un classico, la première victoire à Remigan? Oui, très content pour l'équipe, très content pour les fans surtout, puis pour le staff. Ils sont vraiment dedicated, le mot anglais, envers nous. Dévoués, ouais, voilà. Ils sont très dévoués envers nous, donnent beaucoup de temps, d'efforts. On est content, puis aussi ça va au père de Joël là, qui est décédé il y a quelques jours, donc on dit cette victoire à lui aussi. Là. À quel point c'est important surtout d'aller chercher cette première victoire-là, d'autant plus que maintenant vous ne venez pas à la maison avant un autre mois. Il y a un bail, puis après ça, 3 matchs à l'étranger, il fallait ramasser des points. Ouais, il fallait ramasser des points. Comme j'ai dit, contre Columbus, on aurait dû ramasser 1, voire 3 points. Une défaite d'aujourd'hui, ça aurait fait très très mal, même si je le dis toujours, la saison est longue, c'est un marathon. Mais on n'a pas appuyé sur le bouton panique parce qu'on était confiants, mais il fallait ramener les 3 points, surtout à la maison. Samuel, l'entraîneur, tu as mentionné, vous avez connu un fort match, mais il a mentionné aussi qu'il peut s'attendre encore plus de vous. Qu'est-ce que vous pensez pour faire de plus? Je suis d'accord. On a été bon par moment, on a très bien attaqué. On a joué un nouveau système aujourd'hui qu'on a pratiqué très peu. Donc, si on peut peaufiner ce système de jeu-là, on peut encore faire de meilleures choses. Je pense en phase offensive, on a eu beaucoup d'occasions. On aurait pu mettre 3-4 buts encore aujourd'hui. Si on est capable de terminer les actions devant. Défensivement, on était très, très solide. Il y a des petites choses encore à corriger. C'est jamais parfait, mais on est sur la bonne voie, je pense. Saphir Taider. Hein? Vous la méritiez celle-là? Ouais, celle-là, franchement, on l'a méritée. On l'avait bien réparé durant la semaine. Un derby, donc forcément pour la ville, les supporters et nous-mêmes, on avait à cœur après deux matchs perdus de prendre des points. C'est ce qu'on a fait, mais honnêtement, on a mis les ingrédients pour gagner et c'est mérité. Pourquoi personnellement, c'est la cerise sur le gâteau d'une semaine très chargée? Ouais, c'est vrai, semaine chargée, j'ai pas eu forcément beaucoup de repos. Voilà, semaine difficile. Mais voilà, j'ai eu le soutien du staff, du club, de mes partenaires. Et puis, je donnais le maximum. On est sorti fatigué en fin de match, mais voilà, au final, c'est 3 points, on est content. Dans un dispositif comme vous l'utilisez à 3-5-2, tu semblais assez libéré dans ton espace de jeu. Est-ce que je me trompe? Tu avais comme plus d'espace de travail que dans les deux matchs précédents? Ouais, c'est vrai qu'il y avait plus d'espace parce que voilà, Nacho n'était pas à gauche, donc ça m'ouvrait le côté gauche. Après, tout système est différent. Le plus important, c'est d'être bien compact parce qu'on peut jouer dans n'importe quel système. Si certains joueurs ne respectent pas les consignes, au final, ça met tout en l'air. Mais aujourd'hui, on a tous respecté ce qu'avait demandé le coach. Et voilà, que ce soit offensivement ou défensivement, on a été efficace. On aurait pu marquer plus de buts, donc c'est bien. Ouais, c'est vrai qu'avec Sam, on s'entend bien. Voilà, moi, pour moi, c'est plus facile parce qu'il fait énormément de travail défensif et justement, il me laisse avoir des forces pour repartir. Donc forcément, moi, ça m'aide énormément et il fait son travail très bien. Après avoir vu Jason ouvrir son compte ici en première demi, tu es passé près, toi, ton tour en deuxième. Est-ce que tu commences à être impatient d'aller chercher ce premier but ici? Ouais, c'est vrai, je suis passé près, mais... Voilà, je préfère ne pas marquer, gagner. Donc on va retenir le résultat, c'est positif. Après, les buts, c'est du bonus, mais aujourd'hui, on va retenir la victoire. Est-ce que c'est important de donner une première victoire à Rémy Garde, surtout dans un contexte de classico comme ça? Il était content pour vous que le travail soit récompensé, mais vous, de votre côté, les joueurs, vous êtes content de leur avoir offert ces trois points au Stade Saint-Cloud? Ouais, c'est vrai, parce que depuis le début, voilà, ça fait deux mois qu'on est en sable. L'équipe ne se connaît pas, ils travaillent très bien, ils sont à l'écoute des joueurs. Voilà, sur les deux premiers matchs, on ne méritait pas forcément de perdre, surtout sur le deuxième. Donc voilà, c'est la récompense du travail, on va dire. En tout cas, voilà, le coach est vraiment professionnel. Voilà, j'ai rarement vu un coach comme ça à l'écoute des joueurs, donc c'est bien pour tout le monde. Voilà, on le remercie, mais il y a du travail encore. Ça fait du bien de remporter trois points juste avant le départ pour la sélection d'Algérie. Ton point de vue Ouais, c'est toujours bien de gagner, de partir en sélection avec l'esprit libéré, forcément. Voilà, maintenant, on a gagné, c'est chose faite. Je peux oublier ce match et repartir demain, justement, pour avoir la tête à la sélection et tout donner en sélection. Donc c'est toujours mieux, ouais, de gagner. Justement, tes impressions pour les deux matchs de l'Algérie contre la Tanzanie le 22 et le 27 contre l'Iran? Bah, c'est deux matchs amicaux. Voilà, forcément, c'est toujours une joie de partir en sélection, que ce soit de jouer pour le pays ou de retrouver ses potes. Alors là, nous, on va essayer de repartir de l'avant, voilà, de donner le maximum pour gagner, prendre la confiance et surtout se connaître de mieux en mieux, donc c'est bien. Comment as-tu vu les 45 premières minutes? Ça fait que je sais, les deux premières semaines, vous n'avez pas vraiment aimé la première demi, mais aujourd'hui, c'était quoi la différence dans la première demi pour l'équipe? Ben, peut-être qu'aujourd'hui, on se connaît peut-être un peu plus déjà. C'est le troisième match, donc on a certains repères, on prend plus confiance. Voilà, on n'avait pas rien à perdre, mais on voulait enflammer le match, donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, quitte à presser à fond et perdre peut-être un peu de force au début, mais on savait qu'ils venaient d'un voyage, qu'ils allaient laisser des forces et qu'ils allaient être fatigués. C'est ce qu'on a fait, on a bien emballé le match. Et puis voilà, en deuxième mi-temps, ils n'ont pas spécialement été dangereux. Ils ont peut-être eu le ballon, mais nous, en contre-pied, on pouvait leur faire mal. Donc c'est trois points mérités. Et comment t'as vu la bataille avec toi contre Bradley? Comment t'as aimé ça? Ouais, voilà, Bradley c'est un bon joueur. On sait qu'il aime bien avoir le ballon, mais quand il l'a pas, il est moins à l'aise. Puis voilà, moi j'ai essayé en ayant la balle de le provoquer le plus possible. Mm-hmm. Donc voilà, mais il faut retenir le travail qu'a fait le collectif, parce que franchement tout le monde s'est battu à fond. Merci Sébastien. Merci. Et on est de retour sur la transversale. Merci énormément à Rémi Garde, Saphir Taider, Rod Papifani et Samuel Piette pour leurs commentaires d'après-match ce soir après la victoire de l'Impact 1-0. Je vous rappelle, au Stade olympique contre leur éternel rival, le Toronto FC. Et un petit moment qu'il ne faut pas oublier aussi, Donadel a fait sentir sa présence à Osorio. Bienvenue à Montréal, Jonathan. Et Marco a pris un ballon au vol. Et au lieu de le frapper, de l'envoyer avec... On dirait qu'il avait exprès, qu'il s'est enligné vers Osorio en pleine face. Tintouin. Ça faisait un petit peu cette image-là. Mais ça nous a bien fait rire sur la galerie de presse lorsqu'on a vu ça. On va dire, ouais. Marco's there. Marco's back. Ouch. Ça n'a pas dû faire du bien à Osorio. Un autre moment qui m'a vraiment impressionné, puis ça m'amène au sujet de Raitala, à quel point il s'est bien débrouillé de tirer d'affaires en trois matchs, en défense centrale, le tacle glissé de Raitala à la 80e minute dans la boîte contre un certain Josie Altidore, ça prend, comme on dit, des cojones. Ça prend deux gros ballons, en tout cas. Ça en prend des ballons pour avoir le courage, l'audace de faire ça en toute confiance, exécuté parfaitement par un Raitala, perte de possession de Toronto. Altidore perd le ballon dans la boîte et c'est une occasion qui manque. Et c'est une raison pour qu'on l'impact a gagné ce soir. Et je pense qu'on doit... Oui, on parle de Papifani, on parle d'autres joueurs qui ont mieux performé ce soir. Raitala, présentement, c'est mon héros obscur. Présentement, c'est Raitala à qui je donnerais le trophée Jacques Beauchamp. C'est là. On verra qui va finir la saison avec ce trophée, mais je sais que c'est pas le bon nom, là. Je sais. On va voir qui va finir par être l'héros obscur ou le joueur qui s'est démarqué avec son travail pour l'Impact. Mais Raitala, j'adore son attitude au travail. Et il mentionnait après le match, lorsqu'on lui a parlé dans le vestiaire, j'ai marqué Djouka, fait trois matchs que tu joues contre comme centro et débrouille bien d'affaires. Veux-tu retourner à l'aile? T'es-tu bien? Il est parti arrêt. Déjà, j'étais surpris. Un Finlandais qui rit. Comme, hey, tabarouette. Mais, merci Tristan. Merci. Mais encore une fois, quand Raitala mentionnait, oui, mais au milieu, comme ça, quand je suis au milieu de la défense, je suis un petit peu plus impliqué. Je suis comme plus impliqué dans le match. C'est plus souvent touche de ballon. Et ça fait qu'il y a une certaine confiance qui se bâtit tôt dans le match. Il était capable de garder durant 90 minutes. Et je pense que Raitala, sa polyvalence, pourrait être très utile à Montréal, va être utile à droite, à gauche, au centre. Je pense que Raitala, et de manière, surtout si on regarde la manière que Rémi Garde n'a pas peur. Après seulement trois matchs, les circonstances dictaient une formation différente. Et Rémi Garde n'a pas hésité cette semaine, n'a pas hésité contre une des meilleures équipes en Amérique du Nord d'essayer une formation donc qui n'était pas seulement certain, avec des joueurs hors position, mais avec un rôle. Un joueur peut jouer hors position pour un rôle certain. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu qu'une position de joueur n'est pas quelque chose de coulé dans le béton. C'est malléable. Un milieu offensif peut venir te donner un coup de main en position milieu défensive parce que tu as besoin d'un but. L'inverse peut être vrai. Mettre un milieu défensif en position de milieu offensif pour tuer les dernières minutes de jeu, on l'a vu ça ce soir. Mais c'est malléable. Je pense vraiment que de la façon dont Rémi Garde regarde son alignement, c'est malléable aussi. Il y a plusieurs façons de faire jouer plusieurs personnes. Il y a plusieurs façons de faire jouer les mêmes personnes à différents endroits. Et je pense qu'on a vu ça avec les Petrasso. Oui, c'est dommage pour Edwards qui n'a pas eu à jouer contre son ancienne équipe. Je pense que ce n'est que partie remise. Mais oui, c'est intéressant de voir cette malléabilité avec l'alignement, avec les positions des joueurs. Et je pense que ça parle beaucoup sur le travail de Rémi Garde durant les entrevues que vous avez entendues. Samuel Piet et Saphir Tader, sans même avoir été, et même Pépé Fanny, ont parlé du travail de Rémi Garde. Et cela me pose à l'hypothèse que je parlais dans l'avant-match il y a quelques jours. Je mentionnais dans l'avant-match il y a quelques jours que l'Impact jouerait un meilleur match contre Toronto, justement à cause de la connaissance de l'alignement de Toronto par le staff technique de Montréal. C'est un rendez-vous qui se devait de ne pas manquer. Il se devait réussir et je me doutais qu'il y aurait une connaissance plus accrue et un plus grand dépistage professionnel fait avec le Toronto FC. Je m'en doutais. Et c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est ce que Saphir Tader nous a mentionné aussi. Le staff technique et Papi Fanny. Le staff technique avait une bonne préparation contre Toronto et était capable de bien informer Papi Fanny sur les tendances d'un Altidore, d'un Josie et sur d'un Giovinco. Et d'être capable de contrer ses tendances et d'être capable de bien ajuster ses instincts vers les tendances. Et je pense que l'Impact s'est tiré d'affaire très bien. On parle ici d'un match jeu blanc, d'une victoire et d'un 3 points à la maison. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de l'émission sur la transversale, l'après-match ce soir. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @sur_transversale sur Twitter et sur Facebook au facebook.com/sur_la_transversale. Mon compte personnel autant sur Twitter que Facebook que Instagram @kevlaramé. Encore une fois, je vous souhaite la bonne soirée, je vous souhaite une bonne fin de semaine et surtout, jusqu'à la prochaine fois, bon soccer!